avec le frigo vide autant que l'estomac, avec le compte en banque au niveau le plus bas. J'attends. Avec ces petits moins qui fit la différence, lorsque je jette un œil à l'état des finances. Patience. J'assume le découvert. Le frigo se désert de glace. La fin du mois. Attendre. Il ne me reste que ça. J'attends. La fin du mois. Elle se marre la vieille de me voir m'affiner. C'est à ma Minerva que je dois mon dîner. Sans sucre. Les factures s'entassent dans la boîte aux lettres. Demain à jour nouveau, une nouvelle dette. Ton bras. J'assume mon régime. Les repas de yaourt. Des cœurs. Attendre, il ne me reste que ça. J'attends la fin du mois. Pas de sous pour la brèche au bas de la fenêtre. Dans la chambre à coucher se nichent les courants d'air funèbres. Et les pieds froids accueillent les débris du plafond. La bougie dégouline touche elle aussi le fond du bol. Je m'assume congelé dans la banquise du quartier. Éole. La bombe bouchée. J'attends la fin du mois. Attendre, il ne me reste que ça. J'attends la fin du mois. J'attends la fin du mois. J'attends la fin.